Du 31 janvier au 9 février 1939, des centaines de milliers de femmes, d'enfants, d'hommes et de vieillards franchissent la frontière espagnole afin de fuir le franquisme et de trouver refuge en France, terre d'accueil et des droits de l'homme. Les réfugiés traversent les Pyrénées dans des conditions épouvantables et en réponse à cette situation, le gouvernement français de l'époque, par manque d'anticipation, entasse ces centaines de milliers d'immigrés dans des camps que l'on appellera plus tard les camps du mépris. Qui sont ces réfugiés? Quelle est l'origine de ceux que l'on appelle encore aujourd'hui les républicains espagnols? Quelle fut la politique d'accueil mise en place pour répondre aux attentes et aux besoins des exilés? La guerre terminée, que sont devenus tous ces gens? Quelle intégration à la société française ont-ils connu? Ce sont à toutes ces questions que Jean-François Berda, spécialiste de l'exil républicain et historien à l'université de Toulouse-Lumirail, a bien voulu répondre. J'aurais voulu qu'on revienne sur les origines de ceux que l'on a appelés et qui étaient des républicains espagnols et qui sont le fruit d'une révolution et d'une guerre civile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler des événements précis justement qui ont fait ces républicains espagnols? Alors tout d'abord pour la terminologie, il y a une chose assez amusante qui est assez peu relevée généralement, qui est l'inversion des termes. On devrait dire espagnol républicain et non pas républicain espagnol. C'est dire à quel point le statut ou la personnalité des républicains a primé sur le reste et défini ces Espagnols en particulier, je dirais par opposition aux Espagnols évidemment qui étaient restés en Espagne et plus particulièrement à l'égard bien sûr du régime franquiste. Parce que ça a été, et on le verra peut-être plus tard, ça a été un exode très politisé, c'est peut-être pour ça qu'il en est resté justement ce terme républicain. Absolument, c'est un exil très particulier, au sens large du terme d'ailleurs, c'est un exil proprement politique. Car cet exil qui va concerner des centaines de milliers de personnes, évidemment, n'inclut pas uniquement des militants politiques, des syndicalistes, mais dans ce milieu de républicains espagnols, comme on va les appeler, les notions politiques, évidemment, jouent un rôle tout à fait essentiel. Je dirais plus généralement, d'ailleurs, un certain nombre de valeurs éthiques, de valeurs morales, un certain idéal de ce que doit être la démocratie ou de ce que doit être la vie politique, et là, quelles que soient les tendances idéologiques, anarchistes, communistes, socialistes, républicains aussi, qu'on a un peu tendance à oublier parfois, les vrais républicains, eh bien, il y avait cet héritage commun, je dirais, cette chose commune qui était l'éducation, la culture, le rôle du politique et, je dirais, une vision assez noble de ce que devait être la politique, assez éloignée, je dirais, des préoccupations actuelles en France, pour ne pas faire de parallèle trop rapide. Voilà. Alors cet exil républicain, c'est un exil qui, évidemment, comme vous l'avez rappelé, lié à la guerre d'Espagne. C'est un exil qui se produit pour l'essentiel, parce qu'en réalité il y a quatre vagues migratoires que je vais rappeler rapidement, mais la plus importante c'est évidemment celle qui se situe entre le mois de janvier et le mois de février 1939, c'est-à-dire au moment où la guerre d'Espagne n'est pas encore terminée, puisque celle-ci s'achève officiellement le 31 mars 1939 par l'entrée des troupes franquistes à Madrid, et le 1er avril 1939 célébré comme jour de la victoire par le régime franquiste. Alors cet exil, cet exode qui devient exil, cet exode, c'est un exode massif. Il faudrait sans doute recalculer, reprendre les chiffres que Javier Rubio a calculés il y a déjà de cela quelques années. Mais on estime grosso modo à 1,5 million de personnes. Lui calcule exactement à 465 000 personnes le nombre des Espagnols républicains donc, qui ont franchi la frontière en l'espace de quelques semaines, hein, comme on vient de le dire, et qui est donc la quatrième grande phase migratoire, puisque une première a eu lieu à l'été 1936, lorsque la Guipuscoa, une partie donc, du Pays Basque, est tombée entre les mains des troupes nationalistes et que la frontière à Irún a été fermée. La seconde s'est produite à l'été 1937, lorsque le front du Pays Basque s'est effondré et que Bilbao a été pris. Ce sont les événements consécutifs au bombardement de Guernica et de Durango, par exemple, en avril 1937. La troisième vague est une vague qui se situe au moment des événements de la bataille de l'Ebre et de l'effondrement de Teruel, donc au printemps et au début de l'été 1938. Mais lors de ces trois phases, ce qui est caractéristique, c'est d'abord elles ont été beaucoup moins importantes en nombre d'individus, mais que pour ce qui est des hommes en particulier, ça a été un passage de frontière qui a été suivi d'un second passage de frontière, cette fois-ci en sens inverse, du côté de Barcelone, puisque les hommes en âge de combattre, évidemment, ont rejoint immédiatement le front pour continuer la lutte contre le franquisme, si bien que de toutes ces milliers ou dizaines de milliers d'individus qui ont franchi la frontière entre 1936 et 1938, grosso modo 150 000 personnes, on peut dire qu'à la fin de l'année 1938, il y avait peut-être 40 à 50 000 Espagnols, essentiellement des femmes, des enfants, des vieillards, qui étaient restés en France. Et pour le reste, ils avaient continué le combat. Et donc, ce qui distingue cette quatrième et dernière grande phase qu'on a évoquée, évidemment, c'est son caractère non seulement massif, mais je dirais même définitif d'une certaine manière. Dans les ruines de l'Alcazar de Tolède, le caudillo passe en revue ses anciens compagnons d'armes. Ici, où tant d'hommes ont donné leur vie, dans ce lieu qui est l'héroïque symbole de la lutte menée par l'Espagne contre le bolchevisme, le général Franco reçoit la médaille de Notre-Dame d'Athée. Par cette manifestation, le gouvernement espagnol entend rappeler tout l'intérêt qu'il porte à ses possessions africaines. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des gens qui fuient l'Espagne parce qu'ils craignent les républicains et qu'ils craignent les conséquences de la Révolution ? Alors ça a été effectivement le cas en 36, au moment de l'arrivée du Front populaire notamment, et lorsque les premières exactions, manifestations de fureur ou de haine populaire se sont produites, notamment au mois de mai 1936. Mais ce qui caractérise la politique du gouvernement républicain, en tout cas de ce qu'on pourrait appeler les règlements de compte ou la répression au sens large du terme dans le camp républicain, c'est que contrairement à ce qui va se passer dans le camp nationaliste, cette répression va être pour l'essentiel concentrée sur une période de quelques mois. C'est-à-dire d'abord il s'agit de violences populaires. Alors il ne s'agit pas d'excuser les viols, assassinats de prêtres ou de bonnes sœurs, évidemment, qui se produisent durant cette période-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les études, et notamment de micro-histoire qui ont été lancées et qui ont abouti ces dernières années en Espagne, tendent à montrer, notamment dans le cas de la Catalogne, que dès la fin de l'année 1936, des tribunaux spéciaux sous l'égide du gouvernement ont été mis en place, y compris avec le soutien des anarchistes, et que après décembre 1936, ces violences populaires, ces exactions ont considérablement diminué. Hein. Donc évidemment, les ordres religieux, compte tenu de la propagande anti-front populaire qui s'est développée avant les élections de février-mars 1936, il y a eu effectivement un courant important. Et même avant 1931, disons que la France a été, par tradition, quels que soient les bords, une terre à peu près d'accueil constant pour tous les exilés politiques. À Madrid, une vaste parade militaire se déroule devant le général Franco, à l'occasion de la clôture des grandes fêtes qui ont marqué le quatrième anniversaire de la libération de l'Espagne du joug bolchevique. Les hommes qui se distinguèrent particulièrement pendant les années de guerre civile défilent également devant le caudillo. On dit souvent que la guerre d'Espagne a, chronologiquement évidemment, a devancé la Seconde Guerre mondiale, mais c'était aussi les prémices de ce qui allait se passer. Quel rôle ont joué les puissances internationales dans cette histoire-là ? On a beaucoup reproché au Front populaire français de ne pas être intervenu. Oui, alors il y a deux notions qu'on utilise généralement, parfois confusément de façon identique, guerre civile et guerre d'Espagne. J'utilise plus généralement le terme de guerre d'Espagne, bien que au sens strict du terme, effectivement, cette guerre a été avant tout une guerre civile. Hein, c'est-à-dire que les combattants et ceux qui ont payé de leur vie ces combats durant plus de 30 mois sont avant tout des Espagnols, bien évidemment. Mais l'intervention extérieure, qu'il s'agisse d'une intervention officielle ou affichée officiellement, comme ce sera le cas finalement de l'Union soviétique, par exemple, ou non officielle, mais absolument évidente pour tout le monde, de l'Allemagne et de l'Italie notamment, avec un soutien du Portugal, ou encore ce qu'on pourrait appeler l'aide clandestine apportée par la République française, par le gouvernement Front Populaire à l'Espagne, qui sera une non-intervention, mais en l'occurrence une non-intervention relâchée, comme on dira, ce sont effectivement des formes d'intervention qui ont été importantes dans le cours de la guerre. Donc non pas tellement sur le plan humain, mais sur le plan logistique, bien entendu. Sur le plan logistique, parce que Allemands et Italiens vont y expédier des quantités d'armes considérables. Des armes d'ailleurs qui ne sont pas nécessairement mises entre les mains des nationalistes, mais qui sont utilisées, contrôlées, gérées directement par les forces de l'Axe. C'est le cas particulièrement de l'aviation, qui était entre les mains de la Légion Condor. Hitler avait peut-être une certaine estime pour Franco, mais au fur et à mesure que les semaines vont passer, il va avoir des doutes de plus en plus grandissants quant à la capacité stratégique et la capacité de chef militaire de Franco. D'où la nécessité d'avoir une pleine et entière autonomie des forces utilisées en Espagne. Cas de l'aviation, il y aura quelques régiments de blindés allemands également. Si on prend l'aspect humain, l'aspect numérique, c'est quand même avant tout les Italiens qui ont été les plus nombreux, plus de 50 000 hommes sur l'ensemble de la guerre, avec aussi des matériels très très importants en chars, en artillerie, en aviation. Ça pour donc le camp nationaliste, bien entendu, avec un soutien logistique du Portugal via Lisbonne, qui a été une plaque tournante pour les livraisons d'armes aussi. Et puis évidemment Séville, à partir du moment où Séville est très tôt tombée entre les mains des nationalistes. De l'autre côté, évidemment, l'aide de l'Union soviétique qui devient, on va dire, quasi officielle à partir du mois d'octobre 1936. Une aide officielle qui ne répondra pas uniquement ou premièrement à des élans humanitaires, on va dire, mais à des facteurs stratégiques dans la cadre de la politique stalinienne, et puis surtout d'une aide matérielle qui va être payée au prix fort par les stocks d'or de la Banque d'Espagne qui seront transférés à Moscou. Alors reste la question de la France, évidemment. La France, dans un tout premier temps, a répondu très favorablement à l'appel qui était lancé par José Giral, le président du Conseil espagnol, d'une aide qui était incluse d'ailleurs dans une clause secrète d'un accord commercial signé en décembre 1935 entre la France et l'Espagne. Et le premier réflexe de Léon Blum a été évidemment d'aider la République espagnole. Sauf que la loi française imposait un embargo ou un contrôle très strict sur les exportations, et notamment pour tout ce qui était stratégique, et livraison d'armes inclus, bien évidemment. Et d'autre part, des fuites vont filtrer très très rapidement dans les médias français, notamment dans la presse de droite, qui va dénoncer le Front Populaire comme un gouvernement qui veut la guerre et qui va pousser la France à sa ruine, finalement. Donc il va y avoir des pressions extrêmement fortes de la part de l'opinion publique, au sein également du gouvernement, puisque le gouvernement est très divisé entre socialistes et radicaux, et que les radicaux occupent les postes clés dans le gouvernement du Front Populaire, en ce qui concerne notamment la dimension extérieure. Le ministre de la Guerre, c'est Édouard Daladier, un radical. Le ministre des Affaires étrangères, c'est Yvon Delbos, un radical également. Le président de la République, Albert Lebrun, joue aussi un rôle très important, évidemment, dans ce sens-là. Édouard Herriot, comme figure politique et, je dirais, un peu emblématique de la politique française, qui va conseiller à Léon Blum de ne pas se lancer dans une aventure quelconque. Et donc, c'est cette conjonction de pression intérieure, de tension au sein du gouvernement qui va finalement décider de la politique extérieure française, et donc de la décision d'adopter la non-intervention et de la proposer aux autres puissances surtout. Et c'est lorsque cette non-intervention, au bout de quelques semaines, va être violée de façon évidente par les puissances de l'Axe, que le gouvernement de Front Populaire va clandestinement mettre en place ce qu'on va appeler la non-intervention relâchée, avec le soutien du ministre des Finances, un socialiste, Vincent Auriol, avec Pierre Cotte, le ministre de l'Air, radical pourtant, et puis avec des personnalités dont on reparlera plus loin dans l'histoire, comme Jean Moulin, comme Pierre Mendès France, etc. Voilà. Est-ce que c'est... La politique internationale, ou les enjeux de cette politique internationale, intervient directement au sein de la guerre espagnole. Je pense notamment à ce qu'on a découvert sur le tard, ou en tout cas dont on a très peu parlé, c'est la guerre qu'il y a eu entre le Parti communiste et les anarchistes. Est-ce que l'URSS, à ce moment-là, intervient directement dans cette histoire-là, notamment à Barcelone, comme l'a rappelé Orwell dans son hommage à la Catalogne? Alors, il y a deux questions. Il y a une dimension internationale qui est assez peu évoquée, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est la politique internationale de la République espagnole, et notamment l'action que l'Espagne a pu monter et donc diriger au plan international, notamment dans le cadre de la Société des Nations. On ignore généralement que l'Espagne a joué un rôle très important pendant l'entre-deux-guerres dans le cadre de la Société des Nations, donc qui était l'ancêtre des Nations Unies actuelles, que l'Espagne a eu un statut privilégié durant pratiquement toute la période entre 1920 et 1937, puisque l'Espagne était membre semi-permanent du Conseil de la Société des Nations, c'est-à-dire l'équivalent du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. Et c'est important de le dire parce que, d'une part, l'Espagne était considérée comme une petite puissance, mais que, d'autre part, le statut de membre semi-permanent n'était acquis généralement que pour une période de 3 ans. Ce qui signifie que l'Espagne a bénéficié d'élections et de réélections constantes jusqu'en 1937, c'est-à-dire jusqu'en pleine guerre d'Espagne. Donc ça souligne, je dirais, le rôle très, très spécifique et important, finalement, de l'Espagne, même en tant que petite puissance, dans le cadre de cette organisation internationale. Et évidemment, la grande difficulté pour l'Espagne, ce sera de faire reconnaître son statut de pour l'Espagne républicaine, de faire reconnaître sa légitimité au plan international, car ce qui est particulier, et qui sera, à mon sens, une lourde erreur de la part de la Société des Nations, aura été précisément de laisser la question espagnole, comme on l'appelle, entre les mains d'un comité de non-intervention installé à Londres, dans lequel le gouvernement républicain, évidemment, n'est pas représenté, hein, sous prétexte qu'on ne pouvait accueillir, on ne pourrait trouver de solution au conflit en Espagne que si les deux belligérants étaient exclus de ce comité, ou alors en les incluant tous les deux. Mais comment de ce fait-là reconnaître, enfin comment peut-on reconnaître le gouvernement nationaliste de Burgos comme égal à celui d'un gouvernement légitimement élu qui était celui du Front Populaire? Donc il y a eu une énorme escroquerie et un énorme mensonge, mais en fait tout simplement la volonté de la Société des Nations de se débarrasser d'une question qui était particulièrement préoccupante, et surtout après deux grandes affaires qui ont été l'invasion de la Chine par les Japonais et l'invasion de l'Éthiopie par les troupes italiennes. Donc on est à partir de 1936-37 dans une période où la Société des Nations se désolidarise totalement des pays membres de son organisation, et peut-être le personnage emblématique, c'est le secrétaire général de cette Société des Nations, qui est un Français, Joseph Avenol, dont tout le monde a oublié le nom et l'action, et fort heureusement, je dirais, parce que ça n'est pas évidemment à l'honneur de notre pays. Concernant l'Union soviétique maintenant, l'Union soviétique est dans une situation très particulière. À partir de 1936-1937, ce sont les grandes purges qui ont démarré en Union soviétique, les procès de Moscou. Et en réalité, l'Union soviétique mène une politique qui est tout sauf révolutionnaire et tout sauf bolchevique. Ce n'est pas une nouveauté. À mon sens, le parti bolchevique, l'Union soviétique, a cessé d'être révolutionnaire, ont cessé d'être révolutionnaires au moins à partir de 1927 au mieux. Ce qui signifie que la seule chose qui préoccupe Staline, ce sont les intérêts de l'Union soviétique, des intérêts purement nationaux. Et il faut comprendre la politique espagnole de Staline comme une volonté de mettre un terme à un processus révolutionnaire qui non seulement n'a rien d'orthodoxe si on se réfère à la politique stalinienne, puisque les anarchistes, évidemment, sont anti-marxistes, sont contre la centralisation, contre l'État, et que par ailleurs, il existait d'autres formations révolutionnaires en Espagne, notamment le PUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui était un parti révolutionnaire marxiste, mais non rattaché à l'international communiste, et donc de cette éthique par rapport à la politique stalinienne. Or, cette révolution, elle inquiète Staline, ce qui semble assez paradoxal. Elle l'inquiète précisément parce qu'elle fait croire ou elle laisse penser que cette révolution est financée ou en tout cas soutenue par l'Union soviétique. À un moment où Staline recherche, au contraire, face à la montée du nazisme en Europe centrale, justement des alliés, en particulier la France et l'Angleterre. Pour faire court, Staline essaie de reconstituer la triple entente qui existait en 1914, essayer de prendre en tenaille l'Allemagne. C'est donc dire que ces schémas intellectuels ou ces schémas politiques n'ont rien de révolutionnaire et n'ont rien à voir avec ce XXe siècle-là. Et que, bien évidemment, une révolution en Espagne dont on pourrait penser qu'elle est soutenue par l'Union soviétique, évidemment, remettrait en cause toutes sortes d'accords avec la France et l'Angleterre. C'est précisément ce qui se produit. Donc, si vous voulez, pour faire court, il y a deux raisons majeures qui poussent à intervenir dans la guerre d'Espagne. D'une part, essayer d'écraser cette révolution parce qu'elle ne répond pas aux aspirations idéologiques de Staline. C'est une révolution qui lui échappe. Et deuxièmement, parce que cette révolution met en péril la politique d'intérêt menée par l'Union soviétique durant cette période. Alors en 1939, beaucoup d'Espagnols arrivent en France. À ce moment-là, comment sont-ils accueillis et comment se passe cette retirada, comme on a appelé ? Évidemment, les Espagnols sont très très mal accueillis et dire qu'ils sont très très mal accueillis, c'est un euphémisme. Il faut dire au préalable que les expériences précédentes, c'est-à-dire les trois vagues que nous avons évoquées précédemment, 36, 37 et 38, laissaient augurer évidemment d'une défaite à terme, sans doute, de la République espagnole et donc d'un exode qui pouvait être massif. Le gouvernement de Barcelone, le gouvernement républicain de Barcelone, avait prévenu les autorités françaises. Dès l'été 1938, les autorités françaises avaient été informées directement par Juan Negrín de ce que 200 000 personnes risquaient de franchir la frontière et que le gouvernement républicain se proposait de financer l'hébergement, l'accueil des républicains espagnols. Et cette proposition est restée lettre morte par le gouvernement français. Ça veut dire que la chose aurait pu être anticipée, contrairement à ce qu'on entend souvent, comme quoi c'était dans l'urgence et qu'on a, fait des camps, par exemple, parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre. Absolument. Ça a été, on dirait, c'est une spécialité française que de faire dans l'improvisation, le système D. Là, en l'occurrence, ça a été particulièrement dramatique. J'ajouterais que ce n'est pas uniquement le gouvernement républicain de Barcelone qui avait informé les autorités françaises. C'est aussi, par exemple, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui lui aussi, à la fin de l'année 1938, et aussi des rapports du lieutenant-colonel Morel, qui était l'attaché militaire en Espagne, annonce effectivement cette possibilité d'un exode massif vers la France. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, fin 38, début 39. La France n'est toujours pas sortie de sa crise économique. Une crise économique qui a commencé en 1930. Donc une crise longue, une crise dont personne ne voit la fin. Et d'une crise qui suscite au cours des années 30 et avec l'arrivée du Front populaire aussi une montée de la xénophobie, une xénophobie qui est reprise d'une certaine manière d'un point de vue électoral, d'un point de vue politique par les formations qui sont au gouvernement. C'est le cas notamment du gouvernement Daladier qui se met en place en avril 1938 et d'un gouvernement Daladier qui va prendre un certain nombre de mesures autoritaires, on va dire, donc des décrets-lois qui vont restreindre l'accès au travail pour les travailleurs étrangers résidant en France. Et évidemment d'une politique qui ne s'accordait absolument pas avec l'idée d'accueillir des centaines de milliers d'Espagnols en France. D'une certaine manière, on a tout fait pour fermer les yeux sur cette question-là en espérant que l'issue de la guerre trouverait une issue différente. Voilà. Ça veut dire que les républicains, peut-être qu'ils se faisaient une idée un peu mythifiée de la France et des droits de l'homme, sont déçus face à la dureté des lois de la Troisième République? Ah, bien entendu. Deux références simples. La première, c'est qu'on avait quand même deux fronts populaires en Espagne et en France. Et que deuxièmement, tous ces républicains espagnols et tous les hommes de gauche appartenant au camp républicain, socialistes, communistes, anarchistes, ont tous grandi dans l'idée que la France était non seulement une terre de liberté, mais que c'est la France qui a donné au monde un certain nombre de grands penseurs et du même coup de grands principes. Que ce soit Montesquieu, Voltaire, Rousseau sont des noms qui ont un écho extrêmement fort chez nombre de socialistes, d'anarchistes communistes, y compris beaucoup d'entre eux de conditions très modestes, mais qui par leurs parents, qui par la collectivité, qui grâce à l'école aussi de la République, ont pu obtenir une éducation. Et donc il y a évidemment, oui, comme vous le dites, une espèce d'image mythifiée de ce qu'est la France, France terre de liberté. Le triptyque liberté, égalité, fraternité, évidemment, a un écho extrêmement fort. Et on n'imaginait pas une seule seconde que l'on allait être traité de cette façon aussi dramatique. Madrid, M. Serrano Suñer, ministre des Affaires étrangères d'Espagne, suivi de M. Storer, ambassadeur d'Allemagne, et de M. François Pietri, ambassadeur de France, arrive à l'ancien Palais Royal, où le général Franco, à l'occasion du 5e anniversaire de sa prise du pouvoir, reçoit aujourd'hui le corps diplomatique. Yo me subí un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Silba la locomotora, ya empieza el tiroteo, ya empieza el tiroteo. Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Suena una ametralladora, ya empieza el tiroteo, ya empieza el tiroteo. Yo me subí un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo. Anda jaleo, jaleo. Le général Franco et le ministre des Affaires étrangères, M. Serrano Suñer, arrivent à leur tour à la préfecture où ils sont reçus par le maréchal. Après avoir eu un important entretien, le maréchal et le chef de la Nouvelle-Espagne sont acclamés par la foule. Et c'est ainsi, dans une atmosphère de chaude cordialité, que s'est déroulée cette visite qui apporte un élément nouveau à la construction de l'Europe future. Est-ce que la France essaie de, de renvoyer les réfugiés chez eux à un moment donné, ou est-ce qu'elle contente justement de gérer la situation en ouvrant des camps comme Auvernais ou Argelès? Ah non, absolument, elle essaie bien entendu de convaincre ces républicains espagnols qu'il faut rentrer chez eux, ce d'autant plus que c'est aussi la politique de Franco qui va par un mensonge éhonté faire un appel aux républicains espagnols, leur disant que ceux qui n'ont absolument qui n'ont pas eu d'engagement politique ou d'engagement syndical n'ont strictement rien à craindre et qu'ils peuvent rentrer en toute sécurité en Espagne. Mais bien entendu, c'est la répression qui va s'en suivre ne va pas simplement toucher les militants politiques, elle va toucher aussi les sympathisants et tous ceux qui vont être considérés ou dénoncés comme sympathisants de la cause républicaine. Autrement, tous ceux qui sont considérés comme rouges vont craindre évidemment pour leur vie. Et le nombre des prisonniers politiques dans les prisons franquistes en 1939-1940, on dépasse les 200 000 prisonniers politique montre à quel point justement cette répression a été brutale. Donc effectivement, la politique du gouvernement français est de persuader le maximum de républicains de rentrer au pays. Et si l'on s'en tient aux chiffres toujours qui ont été calculés par Javier Rubio, on peut estimer qu'à la fin de l'année 1939, il restait en Espagne moins de 200 000 républicains espagnols. Donc une grosse majorité, finalement, donc, avait décidé de rentrer en Espagne. Les autres connaîtront, hélas, le sort des camps improvisés, des camps sur la plage, selon l'expression de Geneviève Dreyfus-Armand et d'Émile Temim, des camps sur la plage qui vont, au bout de quelques semaines, connaître quelques améliorations, on va dire, entre guillemets, mais qui vont constituer, malgré tout, un cadre d'internement et un cadre de vie aux conséquences dramatiques aussi. Il y a des camps qui sont assez représentatifs de cet exode très, très politisé, notamment celui de Collioure et plus particulièrement celui du Vernet, où on constate qu'à l'intérieur du camp, on vivait toujours avec les idéaux avec lesquels on était parti d'Espagne. Alors ça, c'est le cas de tous les camps. Ça, c'est le cas de tous les camps, que ce soit le Argelès, que ce soit Saint-Cyprien, que ce soit Brame, que ce soit dans les Pyrénées Atlantiques, le camp de Gurs. Dans tous les camps, il va y avoir toujours une implication politique forte. Le camp du Vernet, à ce site particulier, c'était un camp disciplinaire. C'est un camp disciplinaire qui avait déjà une vocation politique, ou qui va avoir une vocation politique de plus en plus forte, d'ailleurs, puisqu'aux côtés des républicains espagnols, les plus nombreux, on va retrouver également dans le camp du Vernet les antinazis allemands, autrichiens, les antifascistes italiens, et que du même coup, on pourrait dire que va se constituer un camp dans le camp, ou un État dans l'État, et que, jouissant de certaines libertés, de certaines facilités, car évidemment, les camps d'internement français, bien qu'officiellement appelés camps de concentration, n'ont évidemment rien à voir avec les camps de concentration en Allemagne, dans l'Allemagne du Troisième Reich. D'où ma préférence peut-être pour camps d'internement, pour pas créer de confusion, même si, encore une fois, c'est le terme de camp de concentration qui est utilisé par le ministre en place, Albert Sarrau, par exemple, dès 1939. Donc il y a effectivement une forte activité politique, des réunions de cellules, les communistes entre eux, les anarchistes entre eux, bien entendu aussi. Mais il y a pratiquement ce qu'on pourrait appeler la reconstitution d'une internationale communiste au sein du camp du Vernet, avec les Allemands, les Autrichiens, il y a des Hongrois, puisque Arthur Koestler y sera quelque temps, et Arthur Koestler était d'origine hongroise. Donc il y a une espèce d'internationale qui se reconstitue, évidemment avec un certain nombre d'entre eux, futurs cadres dirigeants de l'Allemagne de l'Est, de Pologne, etc. Donc, quelle est la représentation des Français vis-à-vis des Espagnols? Est-ce qu'on a des études aujourd'hui? Comment la population française perçoit ces Espagnols? C'est très simple. Au moment de cet exode, sachant que l'essentiel de la presse française est entre les mains de milieux conservateurs, ce qui n'a rien de très surprenant. Pour faire un journal, il faut de l'argent. Et bien entendu, il y a le journal socialiste Le Populaire, il y a bien sûr L'Humanité, il y a énormément d'éditions régionales ou locales qui peuvent être des journaux socialistes ou des journaux communistes ou des journaux de républicains de gauche. Mais l'essentiel de la presse dès l'époque l'époque, que ce soit Le Temps, l'Intransigeant, l'Illustration, l'Aube, etc., sont des journaux qui sont assez marqués du point de vue politique. Et donc l'image que l'on a, pour faire court des républicains espagnols, c'est celle des Rouges. C'est celle des Rouges. Les élections de Front Populaire en Espagne ont été un enjeu extrêmement important pour les élections en France en mai-juin 1936. Et l'on a fait croire, où on a voulu faire croire à une grande partie de l'opinion que l'élection du Front Populaire en France aurait les mêmes conséquences dramatiques qu'en Espagne, c'est-à-dire aussi des massacres de nonnes, des sacrilèges, des destructions d'églises, etc. Ce qui évidemment ne s'est pas produit. Mais cette volonté de faire peur a eu des échos malgré tout dans une grande partie de l'opinion publique française. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que au bout de quelques semaines ou quelques mois de contact entre les populations françaises qui vont accueillir ces républicains espagnols et ces mêmes républicains espagnols, eh bien, l'image va profondément changer. Si bien que si on parle au début de rouge, si l'on parle de terroristes, eh bien, très vite, en fait, dès la fin de l'année 1939, eh bien, on constate que c'est le terme de républicain espagnol qui a remplacé celui de rouge, hein, qui témoigne au moins point de vue symbolique du changement d'attitude, en tout cas, d'une grande partie de l'opinion à leur égard. Fin de cette première partie d'émission consacrée à l'exil des républicains espagnols. Merci beaucoup à Jean-François Berda. Je vous propose de retrouver Jean-François Berda dans la deuxième et dernière partie d'émission consacrée donc à l'exil des républicains espagnols.